jour tout d'abord, les contours de son corps, à contre-cœur semblait clore aux premières heures de l'aurore. L'espace d'un court instant, des milliers de perles, perles d'argent, dessinent dans le plus grand secret sur une toile d'araignée. Des jeux de lumière, lorsque tout s'éclaire, les yeux pleins du mystère, des jeux de lumière. Suite de gestes brefs révèle d'autres facettes. Avec ses entrechassiens, moi en petit pas sournois. Une suite de gestes lents dans l'air chauffé, chauffé à blanc. Elle se dérobe encore, puis s'évapore, ivre d'été. Les yeux pleins du mystère, des jeux de lumière, de lumière, de lumière, de lumière, yeah. Je l'ai suivi en ton des yeux espérés.